Ah, ça ne va pas mieux. Voilà que tu te mets à sangloter. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui et pourquoi te caches-tu le visage? Écoute-moi, Gaëlle. Écoute-moi. Non, je ne veux pas vous écouter, maman. Je n'épouserai pas le prince Michkin. Je ne veux pas devenir la risée de tout le monde. Mais le prince Michkin ne s'est pas déclaré, que je sache. En effet, je ne vous ai pas demandé votre main, Aglaé Ivanovna. Je ne la demanderai jamais. Quoi? Je ne crois pas mes oreilles, prince. Vous ne demanderez jamais la main d'Aglaé? Serait-elle indigne de vous? Ah non, non. Au contraire, c'est moi qui suis indigne d'elle. Et je voulais le dire à Aglaé Ivanovna. Oui, oui, je voulais expliquer à votre fille, Aglaé Ivanovna, eh bien, tout simplement que je n'avais pas l'intention de lui demander sa main. Ni maintenant, ni plus tard. Ah, vraiment? Mais personne ne vous force à le faire, prince. Pourquoi toutes ces explications? Vous êtes ridicule. De grâce, Aglaé Ivanovna, ne soyez pas fâchée contre moi. Je ne suis pour rien dans cette histoire, je vous le jure. Quelqu'un de malveillant m'a sans doute calomnié à vos yeux, mais soyez-en convaincue, je n'ai jamais pensé me marier avec vous. Je m'approchai d'Aglaé. Elle ôta le mouchoir dont elle s'était couvert le visage, jeta un regard rapide sur moi, et partit tout à coup d'un éclat de rire, gai, moqueur, irrésistible, au point que ses deux sœurs, Alexandra et Adélaïde, ne purent se contenir et se mirent à rire à leur tour du même rire d'enfant joyeux. Mais elles sont folles, toutes les trois. Pourquoi tu pleurais, Aglaé? Et pourquoi ris-tu à présent? Maman, tranquillisez-vous. Aglaé n'a pas pleuré pour de bon. Elle nous a joué une petite comédie. Bref, Aglaé a voulu se payer un peu la tête du prince. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas blessé, prince? Oh non, non, au contraire. Je suis content d'avoir permis à Aglaé Ivanovna de se divertir à mes dépens. Vous êtes un amour, prince. Vous êtes un ange, prince. Un ange de bonté et de patience. N'est-ce pas, maman? Alors tout cela n'était qu'une plaisanterie. Oh, Dieu soit loué. À vrai dire, je n'aime pas beaucoup ce genre de plaisanterie. Enfin. Et si nous allions nous promener tous ensemble? On est tous dans ce salon. Vous avez raison. Allons écouter la musique dans le parc. C'est une excellente idée. Vous venez, prince? Vous me donnerez le bras. Le petit, maman? Ainsi, vous avez renoncé à moi. Et pour toujours. Oh, ce n'est pas ainsi qu'on offre le bras à une dame. Attendez, je vais vous montrer. C'est comme cela. Et maintenant, avançons, prince. Voyez-vous ce banc au fond du parc? Non, là-bas, près de ces trois arbres. Un banc vert. Parfois, je viens ici seule à 7 heures du matin, lorsque tout le monde dort encore. Quand je dis tout le monde, je pense notre monde. En effet, c'est un endroit merveilleux pour rêver. Maintenant, excusez-moi, prince. Je ne veux plus que vous me donniez le bras. Et ne m'adressez plus la parole, je veux réfléchir toute seule. La recommandation d'Aglaé était pour le moins superflue. Je n'aurais plus prononcé un mot tout le long du chemin, même si je n'en avais pas reçu l'ordre express. Car j'étais ailleurs, comme disent les gens. M'évadant en pensée dans un petit village suisse. Je contemplais une cascade et des nuages roses qui planaient au-dessus de la montagne. Oh, combien je souhaitais me retrouver là-bas et qu'on m'oublie ici. Et cependant, j'étais ici, à Saint-Pétersbourg, en compagnie de la générale Yepanchine, de ses trois filles et de leur soupirant, Eugène Pavlovitch et un prince dont j'ai oublié le nom, auquel s'étaient joints quelques jeunes officiers. Nous nous trouvions dans le parc, près du kiosque, où un orchestre jouait des airs douceâtres. Une grande tristesse s'empara de moi. Fuir, pensais-je. Fuir sans prendre congé de personne. Et je regardais une dernière fois Aglaé avant de tourner les talons. Pourquoi me regardez-vous ainsi, prince? Vous me faites peur. Il me semble que vous voulez... Que vous voulez toucher ma figure. N'est-ce pas, Eugène Pavlovitch? Peut-être le prince vous aime-t-il vraiment, Aglaé Ivanovna, en dépit de ses dénégations? Et lorsqu'on aime, on ne quitte pas des yeux la personne aimée. Le prince, ce simple d'esprit, croyez-vous qu'il soit capable d'aimer? Je me demande si, après tout, Aglaé n'est pas gentil chez du prince, pour le traiter de la sorte. Oh, mon Dieu, quelle catastrophe ce serait! Mais non, maman, non! Aglaé continue à s'amuser. Et elle n'a pas trouvé autre chose pour s'amuser que de tourner le prince en ridicule. Mais cette plaisanterie n'a que trop duré. Alors tu penses qu'il ne s'agit que d'une plaisanterie? Oui. Oh, bah, tant mieux, tant mieux. Il est encore heureux qu'elle soit tombée sur un tel idiot. Quoique toujours en pensée dans mon petit village suisse, j'entendis clairement qu'on m'avait appelé idiot. Et cela me ramena à la triste réalité. Je levai les yeux, et qui vis-je dans la foule? Une figure pâle, aux cheveux noirs et au sourire amer qui ne m'était que trop connu. C'était Nastassia Philipovna. Elle était entourée de deux femmes et de quelques hommes. Aglaïa Ivanovna me tira par la manche et je m'assis machinalement à côté d'elle. Toute notre compagnie s'installa au quatrième rang en face de l'orchestre. Tout à coup, abandonnant ses compagnes et ses cavaliers, Nastassia Philipovna marcha vers nous d'un pas nonchalant. Je fus saisi de terreur. Nastassia Philipovna nous dépassa. Puis, comme si elle découvrait seulement Eugène Pavlovitch, le prétendant d'Alexandra Ivanovna, elle se retourna brusquement. Oh, mais c'est toi, Eugène Pavlovitch! Tantôt on ne peut te trouver nulle part, tantôt on te trouve là où on s'y attend le moins. Mais je te croyais chez ton oncle. Madame, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Vous me confondez certainement avec quelqu'un d'autre. Tu prétends pas me connaître? Quel goujat tu fais, Eugène! De toute façon, tu ne réussiras pas à donner le change. Je vous répète, madame, que je ne vous connais pas et ne tiens pas à vous connaître. De grâce, laissez-moi en paix. Mais tu te mets en colère, il me semble. Tu as tort, je peux me fâcher à mon tour, et alors? Oh, tu rougis, Eugène. Oh, tu es merveilleux. Je n'aurais jamais pensé que tu serais encore capable de rougir. Mais laissons cela, car au fait, il ne s'agit pas de toi ni de moi, mais de ton oncle. Il vient de se suicider ce matin. Tu n'en sais rien encore? Mon oncle vient de se suicider, dites-vous? Mais ce n'est pas possible, voyons! Toute la ville est au courant, cependant. Ce sont là des sottises, madame. Je vous prie de poursuivre votre chemin. Oh, tu appelles sottise le suicide de ton oncle? Après tout, tu as peut-être raison. Mais voilà, dans les caisses de l'État, il manque 350 000 roubles. Tu m'entends? 350 000 roubles! Moi qui espérais qu'il t'aurait laissé une véritable fortune après sa mort. Hélas! Il a tout dépensé, ce vieux dévergondé. Je te dis donc adieu. Et comme je ne suis pas une méchante fille, j'ajoute bonne chance quand même! Tout cela était probablement faux. Eugène Pavlovitch n'avait jamais eu de relation quelconque avec Nastassia Philipovna, et son oncle, à ma connaissance, vivait paisiblement chez lui. Une demeure bien confortable. C'était une provocation de la part de Nastassia Philipovna. Le général Epanchine lui avait offert, si on s'en souvient, un collier de perles, espérant avec ce cadeau faire d'elle sa maîtresse. Ne pouvant pas l'atteindre personnellement, force était à Nastassia Philipovna de se tourner contre Eugène Pavlovitch, le prétendant de la fille aînée du général, Alexandra Ivanovna. En discréditant publiquement Eugène Pavlovitch, Nastassia Philipovna espérait empêcher le futur mariage et par la même occasion se venger du général Epanchine. Eugène Pavlovitch le comprit très bien. Après avoir échangé quelques répliques avec Nastassia Philipovna, il se tut. Mais sous l'insulte, il devint blanc comme linge. Elisabeth Prokofievna, la femme du général Epanchine, craignant le scandale, se leva de son banc. Elle hésita un moment, regarda avec colère Nastassia Philipovna, puis, poussant devant elle ses trois filles, elle s'éloigna rapidement. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkin, Ginette Taffin, Aglaé, André Florence, Alexandra, Denis Costanzo, Adélaïde, Jean-Louis Lérac, Eugène Pavlovitch, avec Sylvia Montfort, Nastassia Philipovna et Gabi Morlaix, la générale Epanchine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.